Chapitre 21, page 159. Exercice 4. 1. En fait, nous ne connaissons pas les raisons secrètes de la décision du ministre. 2. C'est une banale dispute qui a déchaîné ces réactions violentes et criminelles. 3. Je ne comprends pas pourquoi les voisins ne se parlent plus. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. 4. C'est André Malraux qui a œuvré pour la loi sur la sauvegarde des monuments français. 5. C'est Antoine qui est le plus dynamique dans ce groupe de travail. Tout repose sur lui. 6. Entendre parler de ses parents a rappelé des souvenirs très pénibles à Laurence.